chez vous. Parlez-moi dans un murmure. Je veux fondre dans tes yeux. Viens te tendre auprès de moi. Mets ton corps tout près du mien. Passe la nuit dans mes bras. Aime-moi jusqu'à demain. Je ne sais si c'est bien. Qu'on dit ce soir, ma vie me fait mal. J'aurais besoin de ma vie. Ce qui s'est passé hier, il faudra que je l'oublie. C'est trop triste d'être. Aide-moi à passer la nuit. Je ne sais si c'est bien ou mal. Je me fous de ce qu'on dit.